Audiomatique. La formation russe Cyclotimia lançait cette transmission 199 d'Audiomatique grâce à la pièce Rich and Famous tirée de l'album Styx paru en 2009. Vous êtes en compagnie des électronistes jusqu'à la fin de la présente heure et pour nous y rendre, voici Asobi Seksu à Audiomatique. Thank you. some more shit. What if the robot speak to me in Hebrew? Personal, all I'm adding for the people. A space thing, whatever you want it to be. P-U-N-K, super bang on the free. Mad, mad, find a way. I'm at the Memphis fly. Sleeping upside down, ooh, wow. I'm hiding out in the superstar king. Drinking mad liquid, drowning our sandwiches. Columbia, step for face at my side. Waiting to take me on a spooky ride. Columbia, step for face at my side. Waiting to take me on a spooky ride. It's not in the out right now for us. It's not in the out right now for us. It's not in the out right now for us. On avait droit à Audiomatic, à une collaboration toute australienne entre Lisa Gerrard et Peter Burke, qui nous interprétaient la chanson de Human Game tirée de leur album Duality. Lisa Gerrard est bien sûr membre de Dead Can Dance et Peter Burke a entre autres été un proche collaborateur de son compatriote David Trussell au sein de Snog et de Soma. Nous avons également entendu tout juste avant le duo britannique Kuba, formé de Christopher Andrews, qui a été membre du groupe Mojave Tree, né des cendres de Slowdive au milieu des années 90, et Ashley Bates, l'ancien batteur du groupe Chapter House et maintenant membre du groupe Tongue. De Kuba, nous vous avons présenté la pièce Havana, sur laquelle participe Michael Gifts, qui œuvre sous le pseudonyme de Ma, M-A-U. Mentionnons qu'à la sortie du single Havana en 1998, le duo s'appelait Kuba, puis à la sortie de leur album Leap of Faith en 1999, le nom du groupe a été changé pour Air Cuba en Amérique du Nord. Et pour débuter la séquence, il s'agissait du groupe Asobi Seksu, basé à Brooklyn, et la chanson Sing Tomorrow's Praise de leur troisième album Hush. Écoutons maintenant le projet Marzian. camino que la magia me reclame, porque mi único destino es el camino que trace. He de volver al vientre de mi madre para brotar de nuevo la victoria. He caído en esta tierra de luz y sombra para jugar salvaje entre las hojas. He caído en esta tierra de luz y sombra para jugar salvaje entre las hojas. Thank you. Pour conclure cette séquence musicale de trois pièces à Audiomatic, nous entendions une composition originalement réalisée par Barrio Lindo avec la part vocale de la chanteuse Clara Trucco, à savoir Bellezza en el aire, ici présentée dans une version remixée de façon collaborative par les projets Barda et Sidirom. Cette version se retrouve sur la toute nouvelle parution de Barrio Lindo intitulée Albura Remixed, qui en fait propose une série de versions alternatives de pièces de l'album Albura. Avant cela, nous entendions la pièce Sarita de Tribelin Sound, celle-là remixée par le projet Sonidos Profundos. Cette version est exclusive à la compilation Cumbia Libertad produite par l'étiquette Hawaii Banzai Records. Et au début de la séquence musicale, c'était le projet Marziane et sa pièce Voragine apparaissant sur son plus récent album Acontecimientos. À Audiomatic, voici à l'instant une réinterprétation d'un classique. Won't you come see about me? I'll be alone dancing, you know it, baby. Tell me your troubles and doubts, giving me everything inside and out. Love strange, so real in the dark. Think of the tender things that we were working on. Slow change may pull us apart. When the light gets into your heart, baby, don't you forget about me. Sing, you know it, baby. slips away. Bricks dissolve and the walls get thin. In your arms, I see through my skin. My organs float in the candle's glow. Audiomatique se poursuivait avec le projet Sinfang Boos, mené par l'artiste islandais Sindri Mar Sigfusson, leader du groupe Sea Bear. Nous vous avons fait jouer la pièce Lies, tirée de son premier album Clanger. Il est à noter que pour les albums suivants, il a utilisé le pseudonyme Sinfang. Précédemment, le groupe britannique Tung, T-U-N-N-G, nous offrait la chanson « Arms » de leur album « Good Arrows » lancé en 2007. Et en amorce de séquence, c'était le projet « Hollywood, mon amour » avec sa reprise de la célèbre pièce « Don't You Forget About Me » de Simple Minds, chantée ici par Lilou. L'artiste français Marc Collin, membre du collectif Nouvelle Vague, qui s'est fait une spécialité de nous offrir des pièces tirées du répertoire New Wave en lui insufflant une saveur lounge, jazz et bossa nova, a décidé de récidiver avec son projet Hollywood Mon Amour en appliquant la même recette, mais cette fois à des compositions provenant de films des années 80. Ce sera à la formation Enigma de poser les notes finales à la transmission 199 d'Audiomatique avec la pièce Push the Limits, tirée de son quatrième album The Screen Behind the Mirror, paru en 1999. Pour sa transmission 200, Audiomatique perpétuera encore une fois sa formule consacrée mercredi prochain dès 17h sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. En plus du privilège que nous vous offrons de vivre le moment présent tous les mercredis, nous vous donnons l'occasion de revivre ce qui aurait dû être éphémère en rendant disponible à l'écoute nos anciennes émissions sur nos plateformes facebook.com/audiomatique-cfou et mixcloud.com/audiomatique. Voici donc Enigma et Push the Limits. C'était Audiomatique avec les électronistes.